Histoire de ma vie, extrait par Casanova. Le concert d'Henriette. Le concert commença par une superbe symphonie, puis les acteurs chantèrent le duo, puis un écolier de Vandini donna un concerto de violoncello qu'on applaudit beaucoup. Mais voilà ce qui me causa la plus grande surprise. Henriette se lève, et louant le jeune homme qui avait joué le solo, elle lui prend son violoncello, lui disant d'un air modeste et serein qu'elle allait le faire briller davantage. Elle s'assit à la même place où elle était, elle prend l'instrument entre ses genoux, et elle prie l'orchestre de recommencer le concerto. Voilà la compagnie dans le plus grand silence, et moi mourant de peur. Mais Dieu merci, personne ne me regardait. Pour elle, elle ne l'osait pas. S'il avait élevé sur moi ses beaux yeux, elle aurait perdu courage. Mais ne la voyant que se mettre en posture de vouloir jouer, j'ai cru que ce n'était qu'un badinage pour faire tableau, qui vraiment avait des charmes. Mais quand je l'ai vu tirer le premier coup d'archer, j'ai pour lors cru que la trop forte palpitation de mon cœur allait me faire tomber mort. Henriette ne pouvait prendre, me connaissant bien, autre parti que celui de ne jamais me regarder. Mais que devins-je quand je l'ai entendu jouer le solo, et lorsqu'après le premier morceau, les claquements de mains avaient fait devenir presque sourd l'orchestre? Le passage de la crainte à une exubérance de contentement inattendu me causa un paroxysme dont la plus forte fièvre n'aurait pas pu, dans son redoublement, me causer le pareil. Cet applaudissement ne fit à Henriette la moindre sensation, du moins en apparence. Sans détacher ses yeux des notes qu'elle ne connaissait que pour avoir suivi des yeux tout le concert pendant que le professeur jouait, elle ne se leva qu'après avoir joué seule 6 fois. Elle n'a pas remercié la compagnie de l'avoir applaudi. Mais se tournant d'un air noble et gracieux vers le professeur, elle lui dit qu'il n'avait jamais joué sur un meilleur instrument. Après ce compliment, elle dit d'un air riant aux assistants qu'il devait excuser la vanité qui l'avait induite à rendre le concert plus long d'une demi-heure. Ce compliment ayant fini de me frapper, j'ai disparu pour aller pleurer dans le jardin où personne ne pouvait me voir. Qui est donc Henriette? Quel est ce trésor dont je suis devenu le maître? Il me paraissait impossible d'être l'heureux mortel qui la possédait. Perdu dans ces réflexions qui redoublaient la volupté de mes pleurs, je serais resté là encore longtemps, si Dubois lui-même ne fût venu me chercher et me trouver, malgré les ténèbres de la nuit. Il est impossible qu'un homme qui n'a pas une passion décidée pour la musique n'en devienne passionné quand celui qui l'exerce à la perfection est l'objet qu'il aime. La voix humaine du violoncello supérieure à celle de tout autre instrument m'allait au cœur lorsqu'Henriette en jouait, et elle en fut convaincue. Elle me procurait ce plaisir tous les jours et je lui proposais de donner des concerts. Le danseur vedette. Tout d'un coup, j'entends le parterre qui claque des mains à l'apparition d'un grand et beau danseur masqué avec une perruque noire à longues boucles qui descendait jusqu'à la moitié de sa taille et vêtu d'une robe ouverte par devant qui lui allait jusqu'au talon. Patu me dit d'un air dévot et pénétré que je voyais le grand Dupré. J'en avais entendu parler et je m'y tiens attentif. Je vois cette belle figure qui s'avance à pas cadencés et qui, parvenue au bord de l'orchestre, élève lentement ses bras arrondis, les meut avec grâce, les étend entièrement, puis les resserre, remue des pieds, fait des petits pas, des battements à la mi-jambe, une pirouette ensuite, et disparaît après entrant à reculons dans la coulisse. Tout ce pas de Dupré n'a duré que 30 secondes. Le claquement du parterre et des loges était général. Je demande à Patu ce que cet applaudissement signifiait. Et il me répondit sérieusement qu'on applaudissait aux grâces de Dupré et la divine harmonie de ses mouvements. Il avait, me dit-il, 60 ans, et il était le même que 40 ans auparavant. Quoi? Il n'a jamais dansé autrement? Il ne peut pas avoir dansé mieux, car ce développement que tu as vu est parfait. Y a-t-il quelque chose au-dessus du parfait? Il fait toujours la même chose, et nous le trouvons toujours neuf. Telle est la puissance du beau, du bon, du vrai, qui pénètre l'âme. Voilà la véritable danse, c'est un chant. Vous n'en avez point idée en Italie. À la fin du second acte, voilà de nouveau Dupré avec son visage couvert d'un masque, cela va sans dire, qui danse, accompagné d'un air différent, mais à mes yeux la même chose. Il avance vers l'orchestre, il arrête sa taille un instant, très bien dessinée, j'en conviens, et tout d'un coup j'entends sans voix dans le parterre qui disent tout bas « Oh mon Dieu !» Il se développe, il se développe. Et vraiment, il paraissait un corps élastique qui, en se développant, devenait plus grand. je n'avais autre lettre qu'une du poète Miliabacca de Dresde, qui me recommandait à l'illustre abbé Metastasio, que je brûlais d'envie de connaître. Je la lui ai présentée le surlendemain, et dans une heure d'entretien, je l'ai trouvé encore plus grand que ses ouvrages ne l'annoncent pour ce qui regarde l'érudition et une modestie que dans le commencement je n'ai pas cru naturelle. Mais je me suis vite aperçu qu'elle était véritable lorsqu'il disparaissait d'abord qu'il récitait quelque chose du sien, et qu'il en faisait observer les beautés lui-même. Je lui ai parlé de son précepteur Gravina, et il me dit 5 ou 6 stances qu'il avait composées à sa mort, qui n'étaient pas imprimées, et je l'ai vu verser des larmes, attendri par la douceur de sa propre poésie. Après me les avoir récitées, il ajouta ces mots. « Dite mil vero, se può dir meglio ?»« Dites-moi la vérité, peut-on écrire mieux ?» Je lui ai répondu qu'il n'appartenait qu'à lui de croire cela impossible. Je lui ai demandé si ces beaux vers lui coûtaient beaucoup de peine, et il me montra d'abord 4 ou 5 pages remplies de ratures pour avoir voulu réduire à la perfection 14 vers. Il m'assura qu'il n'avait jamais pu en faire davantage dans un seul jour. Il me confirma une vérité que je savais, que les vers qui coûtent le plus de peine à un poète sont ceux que les lecteurs non initiés pensent qu'ils ne lui en ont coûté aucune. Je lui ai demandé quel était celui de ses opéras qu'il aimait le plus, et il me dit que c'était son Attilio Regolo, et il ajouta « Ma questo non vuol già dire che sia il migliore, mais cela ne veut pas dire que ce soit le meilleur. » Je lui ai dit qu'on avait traduit à Paris tous ses ouvrages en prose française et que l'éditeur s'était ruiné, car il n'était pas possible de les lire et que cela démontrait la force de sa belle poésie. Il me répondit qu'un autre sot s'était ruiné dans le siècle passé, qui avait traduit en prose française l'Arioste, et il rit beaucoup de ceux qui soutiennent qu'un ouvrage en prose puisse avoir le droit d'être appelé poème. Pour ceux qui regardent ses ariettes, il me dit qu'il n'en avait jamais écrit aucune sans la mettre en musique lui-même, mais qu'ordinairement, il ne montrait sa musique à personne. Et il rit beaucoup des Français qui croient qu'on puisse adapter des paroles à une musique faite d'avance. Il me porta une comparaison très philosophique. « C'est, me dit-il, comme si on disait à un sculpteur, « Voilà un morceau de marbre, faites-moi une Vénus qui montre sa physionomie avant que vous ayez développé ses traits. » L'herbier ria. À la pointe du jour, ayant besoin de me calmer, je suis allé à l'herbéria. L'endroit appelé herbéria est sur un quai du grand canal qui traverse la ville. Et on l'appelle ainsi parce que c'est positivement le marché aux herbes, aux fruits et aux fleurs. Ceux qui vont s'y promener de si bonne heure disent qu'ils y vont pour avoir l'innocent plaisir de voir arriver dans 200 ou 300 bateaux toutes sortes d'herbages, des fruits de toutes espèces et des fleurs de saison que les habitants des petites îles qui entourent la capitale y portent et vendent à bon marché aux gros marchands qui les vendent en y gagnant dessus à des médiocres, qui les vendent cher à des petits, qui les distribuent à un prix encore plus cher à toute la ville. Mais ce n'est pas vrai que la jeunesse vénitienne aille à l'herberie avant le lever du soleil pour avoir ce plaisir-là. Il ne leur sert que de prétexte. Ceux qui y vont sont les hommes et les femmes galantes qui ont passé la nuit aux casins, aux auberges, ou aux jardins dans les plaisirs de la table, ou dans les fureurs du jeu. Le goût de cette promenade démontre qu'une nation peut changer de caractère. Les Vénitiens de jadis, aussi mystérieux en galanterie qu'en politique, sont effacés par les modernes, dont le goût prédominant est de ne faire mystère de rien. Les hommes qui y vont en compagnie des femmes veulent exciter l'envie de leurs égaux en affichant leur bonne fortune. Ceux qui y vont seuls cherchent à faire des découvertes ou à faire naître des jalousies. Et les femmes y vont plus pour se faire voir que pour boire. Elles sont bien aises que tout le monde apprenne qu'elles ne se gênent pas. La coquetterie est exclue à cause du délabrement de la parure. Il semble au contraire que les femmes veuillent se montrer dans cet endroit-là sous les enseignes du désordre, et qu'elles veuillent que ceux qui les voient y raisonnent dessus. Les hommes, qui leur donnent le bras, doivent afficher l'ennui d'une complaisance trop usée, et voient l'air de ne pas se soucier qu'on devine que ces débris d'une vieille toilette, dont leurs belles font parade, sont les indices de leur triomphe. Tout le monde à cette promenade doit avoir l'air rendu et montrer le besoin d'aller se mettre au lit. Une longue partie. Cet officier se nommait D'Entrague, était bel homme, quoique maigre, et ne manquait ni d'esprit ni d'usage du beau monde. Il y avait 2 jours que nous n'avions pas joué, quand, après dîner, il vint me demander si je voulais qu'il me donnât une revanche. Je ne m'en soucie pas, lui dis-je, car nous ne sommes pas des joueurs à l'unisson. Je joue pour mon plaisir, parce que le jeu m'amuse, tandis que vous jouez pour gagner. Comment cela, vous m'offensez? Ce n'est pas mon intention, mais à chaque fois que nous nous sommes entrepris, vous m'avez abandonné au bout d'une heure. Vous devez m'en savoir gré, car n'étant pas de ma force, vous perdriez nécessairement beaucoup. Cela se peut, mais je n'en crois rien. Je puis vous le prouver. J'accepte. Mais le premier qui quittera la partie perdra 50 louis. Il était 3 heures lorsque nous nous mîmes à jouer, et à 9 heures, Dantrague me dit que nous pouvions aller souper. Je n'ai pas faim, mais vous êtes le maître de vous lever si vous voulez que je mette les 100 louis dans ma poche. Il se mit à rire et continua de jouer. Tous les spectateurs allèrent souper et revinrent nous tenir compagnie jusqu'à minuit. À 6 heures du matin, les buveurs et les buveuses d'eau commencèrent à circuler, et tous nous félicitaient de notre constance, et nous, nous avions l'air de bouder. À 9 heures, la belle Saxe arriva, et peu d'instants après, Madame Burfet avec M. de Chaumbourg. Ces dames, d'un commun accord, nous conseillèrent de prendre une tasse de chocolat. Dantrague y consentit le premier, et me croyant à bout, il se prit à dire « Convenons que le premier qui demandera à manger, qui s'absentera pour plus d'un quart d'heure, ou qui s'endormira sur sa chaise, aura perdu sa gageure. « Je vous prends au mot, m'écriai-je, et j'adhère à toute autre condition aggravante qu'il vous plaira de proposer. » À midi, on nous appelle pour dîner, mais nous répondons ensemble que nous n'avons pas faim. Sur les 4 heures, nous nous laissâmes persuader de prendre un bouillon. Quand, à l'heure du souper, tout le monde commença à trouver que l'affaire était sérieuse, et Madame de Saxe nous proposa de partager le pari. Pour moi, j'étais sensible à la perte, mais bien peu comparativement au point d'honneur. J'avais l'air frais, tandis qu'il avait l'air d'un cadavre déterré, sa maigreur prêtant beaucoup à cette fantasmagorie. J'étais décidé à vaincre ou à ne céder la victoire à mon antagoniste qu'au moment où je tomberais mort. La société avant souper ne revint pas. On nous laissa vider notre différend tête à tête. Nous jouâmes toute la nuit, et j'observais la figure de mon adversaire autant que son jeu. À mesure que je la voyais se décomposer, il faisait des écoles. Il brouillait ses cartes, il comptait mal, écartait souvent de travers. À 9 heures, Madame de Saxe arriva. Son amant était en perte. On nous fit servir un bouillon, mais Dantrague, qui était aux dernières périodes de faiblesse, éprouva un si grand malaise dès qu'il l'eut avalé que, chancelant sur sa chaise et tout couvert de sueur, il s'évanouit. On se hâta de l'emporter. Dantrague ne sortit que le lendemain. Je m'attendais à quelques querelles, mais la nuit porte conseil et je me trompais. Dès qu'il me vit, il vint à moi, m'embrassa et me dit « J'accepte un pari fou, mais vous m'avez donné une leçon dont je me souviendrai toute ma vie, et je vous en suis reconnaissant. » La femme est comme un livre. La femme est comme un livre qui, bon ou mauvais, doit commencer à plaire par le frontispice. S'il n'est pas intéressant, il ne fait pas venir l'envie de le lire, et cette envie est égale en force à l'intérêt qu'il inspire. Le frontispice de la femme va aussi de haut en bas comme celui d'un livre, et ses pieds, qu'intéressant des hommes faits comme moi, donnent le même intérêt que donne à un homme de lettres l'édition de l'ouvrage. La plus grande partie des hommes ne prend pas garde aux beaux pieds d'une femme, et la plus grande partie des lecteurs ne se soucie pas de l'édition. Ainsi les femmes n'ont point tort d'être tant soigneuses de leur figure et de leurs vêtements, car ce n'est que par là qu'elles peuvent faire naître la curiosité de les lire dans ceux qu'à leur naissance la nature n'a pas déclaré pour dignes d'être nés aveugles. Or, tout comme ceux qui ont lu beaucoup de livres sont très curieux de lire les nouveaux, fussent-ils mauvais, il arrive qu'un homme, qui a aimé beaucoup de femmes toutes belles, parvienne enfin à être curieux des laides lorsqu'il les trouve neuves. Il voit une femme fardée, le fard lui saute aux yeux, mais cela ne le rebute pas. Sa passion, devenue vice, lui suggère un argument tout en faveur du faux frontispice. Il se peut, se dit-il, que le livre ne soit pas si mauvais. Il se peut qu'il n'ait pas besoin de ce ridicule artifice. Il tente de le parcourir, il veut le feuilleter, mais point du tout. Le livre vivant s'oppose. Il veut être lu en règle. Et l'ignomane, le maniaque de la connaissance, devient victime de la coquetterie, qui est le monstre persécuteur de tous ceux qui font le métier d'aimer. Homme d'esprit, qui a lu ses dernières 20 lignes, qu'Apollon fit sortir de ma plume, permets-moi de te dire que si elles ne servent à rien pour te désabuser, tu es perdu. c'est-à-dire que tu seras victime du beau sexe jusqu'au dernier moment de ta vie. Si cela ne te déplaît pas, je t'en fais mon compliment. » Le rire du Turc. On donnait la tragédie d'Iphigénie. La statue de Diane était au milieu du théâtre. À la fin d'un acte, Iphigénie entrait suivie de toutes ses princesses qui, passant devant la statue, firent toutes une profonde inclination de tête à la déesse. Le moucheur de chandelle, bon chrétien hollandais, sort et fait à la statue la même révérence. Le parterre et les loges éclatent de rire, et moi aussi, mais non pas à en mourir. En devoir d'expliquer la chose au Turc, le rire lui prit d'une telle force qu'on a dû le porter à son auberge, au prince d'Orange. N'en rire point du tout aurait indiqué bêtise, j'en conviens. Mais il fallait avoir un esprit turc pour en rire à ce point-là. Ce fut cependant un grand philosophe qui mourut de rire, voyant une vieille femme édentée manger des figues. Ceux qui rient beaucoup sont plus heureux que ceux qui rient peu, car la gaieté épanche la rate et fait faire du bon sang. Histoire de ma vie, extrait par Casanova.